طيب، إذن بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نواصل قراءتنا في القاعدة المثلى، سائلين الله عز وجل التوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وأن يجعلنا من أهل الإخلاص وأن يثبتنا ويسددنا ويوفقنا لكل ما يحبه ويرضاه وبعد ما زلنا في دراسة القاعدة الخامسة في دراسة القاعدة الخامسة في باب الصفات في باب الصفات وذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين ذاتية وفعلية ذاتية وفعلية قال المصنف وهذا يحفظ هذه الجملة تحفظ في باب تعريف الصفات الذاتية قال هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها الصفات الذاتية هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها هذا يحفظ كالعلم والقدرة والسمع والبصر والعزة والحكمة والعلو والعظمة ومنها والصفات الخبرية كالوجه واليدين والعينين قال والفعلية هي التي تتعلق بمشيئته إن شاء فعلها وإن شاء يفعلها أو إن شاء لم يفعلها كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا وقد تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين كالكلام فإنه باعتبار أصله صفة ذاتية لأن الله تعالى لم يزل ولا يزال متكلما باعتبار أحد الكلام صفة فعلية لأن الكلام يتعلق بمشيئته يتكلم متى شاء يتكلم متى شاء بما شاء كما في قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وكل صفة تعلقت بمشيئته تعالى فإنها تابعة لحكمته وقد تكون الحكمة معلومة لنا وقد نعجز عن إدراكها لكننا نعلم علم اليقين أنه سبحانه لا يشاء شيئا إلا وهو موافق للحكمة كما يشير إليه قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما هذا ما يتعلق بالقاعدة الخامسة Donc là, on a terminé la lecture du texte en lui-même, l'écrit de l'auteur concernant la cinquième règle. Donc on va continuer, Inch'Allah, sur l'étude de la cinquième règle. Et dans cette cinquième règle, l'auteur nous enseigne que as-sifat thubutiyya, les attributs affirmés, comme on les traduit de manière relative. As-sifat al-thubutiyya se subdivise en différentes catégories. Et là, c'est deux catégories. Al-dhatiyya wa fi'aliyya, des attributs propres à l'être d'Allah, Azza wa Jal, à l'entité, à l'essence même du Créateur, subhanahu wa ta'ala, comme on a signalé et appris cela dans la dernière assise. Et deuxième catégorie, les attributs Fi'aliyya, les attributs d'action. Et de ce fait, l'auteur nous enseigne cela après qu'il nous a enseigné que d'une manière générale, les attributs d'Allah Azza wa Jal, les savants, après déduction des textes, du noble Coran et de la sunna authentique du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ont déduit qu'il y a des attributs, des sifat qui sont affirmés thubutiya et des sifat qui sont fi'ali, thubutiya et salbiya, et des sifat qui sont salbiya. Donc des attributs qui sont affirmés, des attributs qui sont niés, des attributs d'affirmation et des attributs de négation. Sauf que dans la cinquième règle, après qu'on ait étudié cela dans la quatrième règle, dans la cinquième règle, l'auteur nous dit que la première catégorie d'attributs qu'il a cité, Al-Thubutiyya, par contre, Al-Thubutiyya se divise en deux. Il y a des attributs, dans les attributs affirmés, qui sont Dhatiyya, liés ou propres à l'être du Créateur, Allah, Azza wa Jal, et des attributs qui sont des attributs qu'on appelle des attributs d'action. Les attributs qu'on appelle Dhatiyya, liés à l'essence même d'Allah Azza wa Jal, on a dit le fait qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, a toujours été qualifié et sera toujours qualifié par cela. C'est ça la règle. Et ça, il faut l'apprendre par cœur. C'est une traduction relative et approximative rapprochée de la définition que donnent les savants lorsqu'ils disent « Hiya allati lam yazal wa la yazal muttasifan biha » Wa hada yuhfad. Ça, faut le mémoriser et faut l'apprendre par cœur. À force qu'on nous dit que les choses, là c'est une parenthèse, sinon si on lit la suite du livre et ce qu'on est en train d'évoquer, on va pas comprendre. Mais la parenthèse très importante, avant de continuer dans ce qu'on va étudier. À force de se dire que tout est compliqué, pendant ce temps, les doctrines hérétiques, eux, mémorisent et apprennent par cœur leur credo et leur dogme. Et eux apprennent et eux mémorisent. Par exemple, les partisans de la négation des attributs du Créateur, depuis les premiers siècles, depuis des siècles anciens, ils mémorisent leur credo et leur dogme, jusqu'à ce que les adeptes de ces fractions et de ces doctrines, les adeptes et les partisans, apprennent et mémorisent. Et leur credo, ils peuvent vous le réciter. Et à force que beaucoup de gens de la Sunna, qui comprennent l'islam et veulent apprendre l'islam authentique, se disent que les sujets sont complexes, les livres sont difficiles, ils n'apprennent pas, et les autres apprennent. Et au bout d'années, de nombreuses années, ils restent ignorants sur beaucoup de sujets. Puisqu'en fait, on leur a appris qu'une chose. Ce qu'ils leur ont enseigné une chose. C'est l'apparence surtout, et surtout la mise en garde. On leur apprend pas les sujets, le pourquoi. On leur apprend la mise en garde, l'apparence et le jugement des autres. Mais la jurisprudence, le fiqh par exemple, en développant la jurisprudence, enseignant par exemple une école, de se spécialiser par exemple dans une école. Beaucoup ne l'enseignent pas. L'aqida, la croyance avec un cursus, en enseignant différents livres. Ils ne le font pas. L'enseignement de la grammaire arabe et différents domaines de la langue arabe. Ils n'enseignent que très peu. Ilm al-tajwid, la science du Coran et de son tajwid. Ils n'enseignent que très peu. Jusqu'à ce que des frères savent que ces sciences-là, l'arabe et la science du tajwid, ils se sont privés parce qu'ils ne trouvent pas cela chez beaucoup de gens, entre guillemets, partisans de la sunna. Donc beaucoup de jeunes, c'est pour cela, ils restent devant les réseaux sociaux à regarder qu'est-ce qui se passe sur telle chose, curiosité des mises en garde, mais ils n'apprennent pas l'ulum al-tajwid, le Coran, la langue arabe, avec ses différents domaines, la conjugaison, la grammaire, la rhétorique, l'éloquence arabe, pour évoluer, fi al-lura, on ne leur enseigne pas al-fiqh, la jurisprudence, ils n'ont jamais étudié la jurisprudence en commençant Mbab al-Tahara, le chapitre de la purification, et évoluer. Et le domaine de la croyance avec un cursus, en enseignant différents livres et en avançant. Toutes les séances, on leur dit c'est compliqué. C'est complexe, ce n'est pas de ton niveau. Et donc ensuite, on n'avance pas. Et beaucoup d'autres avancent. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas se faire prendre dans ce piège. Il faut apprendre. Il faut oser apprendre. Et donc, alors l'auteur dit que As-Sifat Thubutiyya, je ne vais pas revenir sur pourquoi les savants ont mentionné ces subdivisions, puisqu'on l'a cité hier. Et se référer au cours d'hier pour savoir pourquoi les savants ont subdivisé de cette manière et se sont exprimés de cette manière. Si les savants avaient pu éviter ce genre de mustalahat, de terminologie, ils l'auraient fait. Si les savants auraient pu éviter de citer « al-sifat al-dhatiyya » ou « al-sifat al-fi'aliyya » ou « al-sifat al-dhatiyya » minha al-khabariyya » ou « al-ma'nawiyya » par exemple, ils auraient évité les savants. Ils seraient restés sur les enseignements comme c'était à l'époque des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais comme on l'avait expliqué, avec l'émergence de nouvelles croyances, de nouvelles tendances, de nouvelles pensées, alors les savants, il fallait qu'ils clarifient les sujets et qu'ils répondent à ces sujets. Donc, il fallait ensuite détailler la question-là pour préserver aussi, parmi les autres raisons aussi, préserver le domaine aussi, le savoir en lui-même pour le préserver. Alors, il fallait enseigner et rapporter des sortes de mustalahat, ce qu'on appelle des mustalahat, des terminologies. Donc ça, c'est important de le savoir, mais comme on l'a bien évoqué dans la dernière assise, on avait évoqué cela, les causes, donc se référer à la dernière assise pour avoir plus de détails concernant ce qu'on vient de mentionner, la cause de l'évocation des savants concernant ces mustalahat-là. Taïb. Donc nous voici. On continue dans ce que dit l'auteur. Après que l'auteur nous a expliqué le sens des attributs qui se rapportent à l'être du Créateur Subhanahu wa Ta'ala, alors il nous dit, on avait pris une partie du commentaire concernant cela, il nous dit, on va prendre à la suite, après qu'il nous ait donné des exemples d'attributs qui sont des attributs d'affirmation ou affirmé et lié à l'être, c'est-à-dire à l'entité même et l'essence même du Créateur Subhanahu wa Ta'ala. Qala. Idhan, dans le commentaire maintenant, référez-vous au commentaire. Idhan, as-sifat al-dhatiyya tanqasimu ila ma'nawiyya wa ila khabariyya. فالسمع والبصر والعلم والقدرة وما أشبه ذلك كلها تدل على معنى فهي معنوية واليد والوجه والعين والرجل والساق وما أشبهها هذه صفات ذاتية لأنها لازمة للذات خبرية لأنها جاءت عن طريق الخبر فالعقل ليس له فيها مدخل إطلاقا ولهذا لا يمكن أن نقول إذا جاز الساق لله فلتجوز الركبة مثلا لأن العقل هنا لا يمكن أن يتدخل فنقتصر في هذه المسائل على ما جاء به الخبر ونسميها خبرية ثم إننا لا نقول إنها جزئية أو بعضية لوجوب تحاشي هذا التعبير في جانب الله عز وجل ومن الصفات الذاتية جنس الأفعال لا الفعل المعين لأن الله عز وجل لم يزل ولا يزال فعالا ولا يلزم من قولنا هذا أن يكون العالم قديما مقارنا لله عز وجل أبدا لأنه بالضرورة أن الفعل بعد وجود الفاعل والمفعول بعد وجود الفعل ولهذا لما قال شيخ الإسلام بتسلسل الحوادث في الماضي والمستقبل شنعوا علي وقالوا هذا الرجل أشرك فقال لهم كيف هذا كل يعلم بصريح العقل أن المفعول بعد الفعل والفعل صفة في الفاعل والفعل صفة في الفاعل لكن هذا كلام المصنف دقيق جدا ومن الصفات الذاتية الوجه قال وهو واضح في القرآن الكريم كذلك اليدان وقد جاءت متعددة بصيغة التثنية كقوله تعالى بل يداه مبسوطتان بصيغة الجمع كما في قوله مما عملت أيدينا بصيغة الإفراد كما في قوله تبارك الذي بيده الملك والعينان وقد جاءت بصيغة الأفراد أو بصيغة الإفراد كما في قوله تعالى لتصنع على عيني لتصنع على عيني وبلفظ الجمع كما في قوله تعالى تجري بأعيننا ولم تأتي مثنى في القرآن لكن السنة صريحة في ذلك فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم تأتي مثنات في القرآن لكن السنة صريحة في ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الدجال أعور وأن الله ليس بأعور وهذا نص صريح وأما من حرف هذا الحديث عن موضعه قال إنه أعور أي معيب وإن الله ليس بمعيب فقوله مردود بالنص قوله مردود بالنص حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم كأن عينا عنبة طافية وهذا واضح جدا في إبطال قول من قال إن العور هنا بمعنى العيب بمعنى العيب Donc là, c'est, on a lu une partie du commentaire. Une partie du commentaire où l'auteur lui-même, il va commenter sa parole lorsqu'il nous dit que les attributs, que nous on appellera les attributs d'essence, ou liés à l'entité, donc on avait dit ce sont des attributs dont le Créateur a toujours été qualifié par ceci, par ces attributs-là, et le sera toujours. Dans ces attributs, justement, qu'on appelle maintenant, on peut rester sur le terme en arabe, en sifat dhatiya, l'auteur nous dit qu'il y a deux sortes d'attributs à considérer dans les attributs affirmés liés à l'entité. Donc suivez bien, dans les attributs affirmés, sifat al-thubutiya, il y a donc des attributs liés à l'entité. Dans les attributs liés à l'entité du Créateur subhanahu wa ta'ala, liés à son être, et ces attributs-là, on a dit, ce sont des attributs dont le Créateur a toujours été qualifié par cela et le sera toujours, subhanahu wa ta'ala. Il y a des attributs parmi eux qu'on appelle khabariya, d'information, et des attributs parmi eux qu'on appelle des attributs liés au sens. Des attributs d'information et des attributs liés au sens. Là, l'auteur va nous expliquer plus précisément les attributs qu'on appelle des attributs d'information. Les attributs d'information. Ces attributs liés au khabar, pour cela on les appelle khabariya, à l'information. Il nous dit, d'une manière plus précise, comme on avait déjà illustré cela et fait allusion à cela dans des assises précédentes, mais à chaque fois, il y a rajout pour qu'on puisse mieux maîtriser le sujet. Il dit, ce sont des attributs, en l'occurrence, ces attributs-là, déjà dans des anciens siècles, dans des périodes anciennes, l'affirmation de ces attributs a posé problème à beaucoup de partisans dans le monde musulman, du savoir et de la connaissance, ces attributs-là leur a posé problème. Les attributs liés à l'information. L'information, ce qu'on appelle khabariya, est lié à l'entité du Créateur. Comme l'attribut, par exemple, de l'yadan, des deux mains. L'attribut du visage. Ou l'aïn, de l'œil. Cela a posé problème. Et ces attributs-là, les savants les ont appelés des attributs qui sont dhatiya, qui font partie de la catégorie d'attributs qui sont liés à l'entité du Créateur, à l'être même du Créateur subhanahu wa ta'ala, et qui sont khabariya en même temps. En même temps, ils sont khabariya. C'est pour ça qu'apprenez bien cela, retenez bien cela. Les attributs comme sifat al-yadayn ou al-wajh, par exemple, ces attributs-là, ou sifat al-saq, par exemple, ces attributs-là, ce sont des attributs, on dit sifatun dhatiya khabariya. Pour ceux, pour les étudiants qui s'approfondissent, pour bien comprendre. Donc si par exemple, vous allez vous poser la question, mais que j'ai une maîtrise de cela, quels sont les fruits et les bienfaits de cela? Parmi les bienfaits de cela, c'est de comprendre vraiment le sujet, d'avoir une maîtrise de sujet, et aussi ça va vous amener à comprendre plus tard les livres. Lorsque vous lisez les livres, parfois les savants vont dire, cela c'est un attribut, dhati khabari, par exemple, minan sifat dhati al-khabariya. Même si l'auteur dans le livre que vous êtes en train de lire ne détaille pas, vous avez compris qu'est-ce qu'il sous-entend. Qu'est-ce que l'auteur est en train d'expliquer dans son œuvre. Vous comprenez? Donc le fait d'avoir une connaissance de ce qu'on appelle al-mustalahat, al-mustalahat, ça va vous aider. Ça va vous aider à comprendre les œuvres, les écrits et pouvoir justement continuer dans la lecture de livres et l'apprentissage du savoir. Mais si on n'a pas de connaissances sur les différentes terminologies, alors le lecteur ou l'étudiant, dans de nombreux sujets, et lorsqu'il va lire de nombreux livres et de nombreuses œuvres, nombreux sujets ne les comprendra pas et ne pourra pas continuer dans la compréhension et la lecture de ces sujets-là. Pourquoi? Parce qu'il sera arrêté par la non-compréhension de certains termes. Alors s'il lit par exemple des œuvres dans le domaine du hadith ou autre où il y a la mention du hadith, pourquoi? Parce que le hadith du prophète c'est la source du savoir dans notre religion. Lorsqu'il y aura des termes comme le hadith fait partie de telle catégorie de hadith, s'il n'a pas la connaissance des termes, il ne pourra pas continuer. Et comme cela dans de nombreux domaines. Donc ces mustalahat-là sont importantes. Pourquoi? Parce que ça va nous aider justement à nous approfondir dans domaine et comprendre les écrits et les œuvres des savants. Donc, ces sifat qu'on vient de mentionner à titre d'exemple, les sifat des attributs comme l'attribut du visage, l'attribut des deux mains, l'attribut de ce qu'on appelle as-saq, la jambe, et autres, ces attributs-là, ce sont des attributs liés à l'être d'Allah Azza wa Jal, donc de la catégorie de dhatiya. Ce n'est pas des attributs fi'aliya, ce n'est pas des attributs d'action. Et aussi, ce sont des attributs qui sont khabariya. Donc, dhatiya khabariya. Pourquoi ils sont khabariya? Parce que tous les attributs qu'on dit d'information, tous les attributs d'information, ce sont les attributs qu'on a connus par la voie de l'information. C'est-à-dire, Allah Azza wa Jal nous a informés à leur sujet. C'est pour ça que les savants ils appellent ça khabariya. C'est-à-dire que ces attributs ont été rapportés, sont venus dans les textes. Du noble Coran, par exemple, et la tradition authentique du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, comme on l'avait déjà appris, la majala lil aql. Et dans ce domaine-là, il n'y a pas de place pour la raison humaine. Comme dit le shirk, dans ces attributs-là, la raison humaine n'a pas de place. Et l'auteur nous dit de manière absolue. C'est-à-dire que si on n'avait pas eu l'information de textes, par exemple, des versets dans le noble Coran, où Allah Azza wa Jal nous informe au sujet de ces attributs, on n'aurait pas pu les déduire. On n'aurait pas pu déduire cela. Par exemple, Sifatul Wajh, l'attribut du visage, si on n'a pas texte, Allah Azza wa Jal ne nous avait pas informé au sujet de cela, on n'aurait pas pu le déduire. Pourquoi? Parce qu'en ce qui concerne la description du Créateur subhanahu wa ta'ala, cela rentre dans le domaine de l'khabar. Donc c'est Allah qui nous informe. Sinon, nous, on n'aurait pas pu le déduire ou savoir cela. C'est pour cela que les savants nous enseignent que le croyant et la croyante ne peuvent que accepter ces attributs-là comme ils ont été dits dans le Coran, comme ils sont venus dans le Coran et la tradition authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je vous donne un exemple. Pourquoi là il y a une distinction? Le Créateur, Allah Azza wa Jal, le fait que le croyant considère que Allah Azza wa Jal est le seul à avoir créé cet univers. Il en est le Créateur absolu. Subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala détient la puissance, la capacité de créer, détient les attributs de perfection. Allah est l'éternel. Et sa vie éternelle est parfaite. Subhanahu wa ta'ala. Allah n'a pas été précédé par le néant. Allah a toujours été. Il n'a pas de début, ni de commencement, ni de fin. Subhanahu wa ta'ala. Le fait de savoir qu'Allah Azzawajal a créé cet univers, ces océans, les cieux, les différents cieux, la terre, les êtres, toutes les créatures. Et Allah subhanahu wa ta'ala a la connaissance de tout. On peut déduire qu'Allah il est le puissant. On peut déduire qu'Allah donc est la sifatul qudra. Qu'Allah il a l'attribut de la puissance. Ça on pourrait quelque part déduire qu'Allah il a l'attribut de la puissance. Puisqu'il a la puissance de pouvoir créer ce monde et cet univers. Mais les attributs al-khabariya, ça on ne peut pas le déduire. L'attribut du visage, l'attribut des deux mains, l'attribut des sacs, ces attributs-là, on ne peut pas le déduire. Pourquoi il n'y a pas de place à la raison humaine que Allah Azza wa Jal a confirmé l'attribut des deux mains, il n'y a pas de place. Ensuite, comme on a évoqué dans les assises précédentes concernant les conditions, on parle de ces attributs, mais bien sûr avec conditions. Ils sont aucunement comparables et semblables aux attributs des êtres humains. Mais ça, l'auteur va le mentionner dans la prochaine règle où ça va être détaillé. Puisque dans la prochaine règle, on va apprendre que lorsqu'on confirme ces attributs-là, il faudra éviter deux interdits. Ça sera évoqué dans ce qui va suivre. Mais déjà, il faut comprendre cela. Donc ça, c'est venu par la voie des textes. Voilà, en résumé, ce qu'il faut comprendre. Ce qu'il faut comprendre, c'est ça ce qu'on appelle dhatiya, les attributs liés qui se rapportent à l'être du Créateur, subhanahu wa ta'ala, et qui sont khabariya, qui sont liés à l'information. En ce qui concerne maintenant les attributs, donc ça c'est les attributs liés à l'entité d'Allah Azza wa Jalla. Les attributs propres à l'être d'Allah, comme on peut dire aussi dans notre traduction relative. On a dit, c'est, à titre d'exemple, l'attribut de la science, du pouvoir, de lui, de la vue, de la puissance, de la sagesse, de l'élévation, de la grandeur. Tous ces attributs-là, Allah Azza wa Jalla a toujours été qualifié par cela. Il le sera toujours. Par exemple, la vie, al-hayat. Allah, l'attribut de la vie. Subhanahu wa ta'ala, glorifié soit-il. Une vie éternelle, parfaite, incomparable avec celle de ses créatures et des êtres humains. Et ça, c'est ce qu'on appelle des sifat dhatiya. Pourquoi on les appelle sifat dhatiya? Parce qu'elles se rapportent à dhat. Dhat, en arabe, c'est l'être, c'est l'entité, c'est l'essence même du Créateur subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'on les appelle sifat dhatiya. Elles ne quittent pas le qualifié. En d'autres termes, pour mieux comprendre, c'est ça la traduction. La yanfak an. Elles ne quittent pas le qualifié. Subhanahu wa ta'ala. Tandis que la deuxième catégorie, maintenant on passe à la deuxième catégorie, al-fi'liya, les attributs d'action, quant à eux, par contre, eux, ils sont liés, les attributs d'action, à la volonté du qualifié, c'est-à-dire du créateur d'Allah Azza wa Jal. Les attributs d'action sont liés à la volonté d'Allah Azza wa Jal, ce qu'on appelle Mashi'atullah, ce qu'on appelle Al-Mashi'a. Quel est le sens de cela? Le sens de cela, s'il veut Allah Azza wa Jal, il les accomplit, et s'il ne veut pas, il ne les accomplit pas. C'est ça le sens de As-Sifat Al-Fi'liya. Et lorsqu'on dit c'est lié à la volonté d'Allah, c'est dans le sens que si Allah veut, il les accomplit, et si Allah Azza wa Jal ne veut pas, il ne les accomplit pas. C'est ça le sens de cela. Par exemple, le fait qu'Allah Azza wa Jal, et on avait donné l'exemple dans la dernière assise, le fait qu'Allah s'est élevé au-dessus de son trône, Al-Istiwa, qu'on peut même traduire aussi, c'est confirmé par les savants, on peut le traduire par s'établir aussi, le fait qu'Allah s'est établi au-dessus de son trône, c'est un attribut d'action. Quand Allah veut, s'élève au-dessus de son trône, subhanahu wa ta'ala, yastawi, Allah Azza wa Jal, quand il le veut. Par exemple, sifat al-nuzul, le fait qu'Allah descende, premier ciel. Quand Allah le veut, il le fait, subhanahu wa ta'ala, comme il le veut, jalla jalalu, glorifié soit-il. Et cela, comme il sied à sa magnificence, à sa majesté, subhanahu wa ta'ala. De ce fait, regardez, l'auteur nous dit, la descente au ciel de ce bas monde. Alors il nous dit, point. Il se peut qu'un attribut soit à la fois propre à that et à l'acte. Par contre aussi, comme on avait fait allusion à cela, parfois on peut trouver que dans certains attributs, il y a des attributs qui peuvent être liés aussi bien à that et aussi bien au fi'al. Zatiya, c'est pris du terme en arabe zat, ou le fi'aliya, c'est pris du terme al-fi'al. Donc on peut avoir des attributs qui sont aussi bien liés à l'entité, à l'être même d'Allah Azza wa Jal, et aussi bien liés aux actes. Liés aux actes. Il dit, et ce, pour deux considérations. Il dit cela pour deux considérations. Prenons l'exemple, par exemple, de l'attribut de la parole. Al-Kalam, ce qu'on appelle Sifatul Kalam, l'attribut de la parole. Elle est contenue, c'est-à-dire la parole, elle est contenue de son origine, un attribut propre à l'être d'Allah Azza wa Jal. Parce que Allah Jalla wa Ala, pourquoi contenue de la parole, cet attribut-là peut être considéré comme un attribut Sifat Dhatiya. Pourquoi ? L'attribut de la parole peut être considéré comme un attribut lié à l'être d'Allah Azza wa Jal, alors que c'est un attribut d'action, c'est un acte, le fait de pouvoir parler quand on le veut et dire ce que l'on veut. Donc ça, c'est un acte. Mais d'une certaine considération, la parole est liée à l'être aussi, et considérée comme Sifat Dhatiya. Pourquoi ? Parce que l'auteur nous dit, parce que en exemple, Allah subhanahu wa ta'ala a toujours été et sera toujours locuteur. C'est-à-dire qu'Allah a toujours été et sera toujours celui qui peut parler et qui parle. Subhanahu wa ta'ala. C'est ce qu'on appelle sifat al-kalam. Sifat al-kalam. Ça, c'est l'attribut donc de la parole. Donc, de cette considération-là, c'est pour ça que beaucoup de savants, lorsque la question leur a été posée, est-ce que l'attribut de la parole, c'est un attribut d'essence, dhatiya, ou bien c'est un attribut d'action ? À première observation, on pourrait déduire que c'est un attribut d'action. Mais, beaucoup de savants, en l'occurrence comme l'auteur, considèrent qu'il est à la fois, il peut être dhati, un attribut dhatiya, et un attribut fi'aliya. Un attribut de fi'aliya. Il fait partie des exceptions. Pourquoi ? Parce que dans la première considération, pourquoi dhatiya, comme on l'a dit, Allah a toujours été et sera toujours locuteur. Traduction relative. Pourquoi ? Parce qu'on a dit sifat dhatiya, c'est le fait qu'Allah a toujours et sera toujours qualifié par cet attribut. C'est ça la définition de sifat dhatiya. En ce qui concerne le fait que l'attribut c'est un attribut d'action, l'autre considération est que la parole est un attribut propre à l'acte. L'autre considération, c'est le fait que l'attribut de la parole, est un attribut propre à l'acte. Car la parole est liée à la volonté d'Allah. C'est pour ça que c'est considéré comme un attribut d'action. Pourquoi ? Parce que la parole est liée à la volonté. C'est-à-dire, il parle quand il veut, comme il le veut, tel est stipulé dans les versets suivants qui vont venir. Allah Azza wa Jal, yatakallam bima sha mata sha. Allah subhanahu wa ta'ala, notre créateur, il peut parler quand il le veut, de ce qu'il veut, subhanahu wa ta'ala. Donc, de cette considération-là, c'est lié à quoi? C'est lié à ça? Mashi'a. C'est lié à la volonté. Donc, de cette considération-là, c'est pour ça que les savants considèrent que c'est un attribut fi'liya, un attribut lié au fi'l, un attribut d'action. Dans un verset, Allah dit « Innama amru idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun » Dans un verset, il dit une traduction relative « Son ordre en vérité est tel que lorsqu'il veut une chose, il lui dit « Soit » et « Elle est ». Vous avez dans le verset, Allah dit « Quand il veut une chose, il dit « Kun fayakun » Allah dit, et dans le verset, il dit « Faqala an yaqul » An yaqul lahu kun fayakun. Allah dit, il dit à cette chose, soit et elle est. Donc il dit. Et on voit que cette parole-là, elle est liée à sa volonté. Puisqu'il est dit dans le verset, idha arada shay'an. Lorsqu'il veut quelque chose, il dit et elle est. Donc on voit que la parole donc est liée à la volonté. Donc de cette considération-là, c'est pour ça que c'est considéré comme sifat fi'liya. Et l'auteur va rajouter en disant, tout attribut lié à la volonté d'Allah est subordonné à sa sagesse. Subhanahu wa ta'ala, glorifié soit-il. Tout attribut, regardez ce qu'il dit, lié à la volonté d'Allah est subordonné à sa sagesse. En arabe, c'est la traduction de ce passage, un passage très important, où l'auteur dit wa kullu sifatin ta'allaqat bi mashi'atihi ta'ala fa innaha tabi'un li hikmatihi wa qad takunu al hikmatu ma'lumatan lana wa qad na'jizu 'an idrakiha lakinnana na'lamu 'ilma al yaqin annahu subhanahu la yasha'u shay'an illa وَهُوَ مُوَافِقٌ لِلْحِكْمَةِ. Et regardez, cette annotation-là est très importante, ou ce dire-là de l'auteur est très important. Ce point-là, où il dit, on sait que tout attribut lié à la volonté d'Allah Azza wa Jal, tabi'a, on dit فَإِنَّهَا تَبِعَةٌ, elle est liée à la sagesse infinie du Créateur. Donc, écoutez bien, c'est très important, il faut bien assimiler cela. Les attributs liés à la volonté d'Allah Azza wa Jal, cela, comme dit l'auteur, c'est pour ça qu'ils disent, est subordonné à sa sagesse. Ça suit, c'est lié à la sagesse infinie et parfaite et éternelle d'Allah Azza wa Jal. Subhanahu wa ta'ala. Malgré que cette sagesse-là, Allah, lorsqu'il veut une chose, il dit à cette chose, soit et elle est. Ou lorsqu'Allah veut faire une chose, il fait cette chose-là. Sa volonté, Allah Azza wa Jalla, l'auteur nous enseigne qu'elle est liée à la sagesse infinie du Créateur, subhanahu wa ta'ala. Il y a toujours sagesse. Sauf que la sagesse du Créateur, Jalla wa Ala, d'Allah, on peut la connaître. On peut connaître parfois certaines sagesses et comprendre et percevoir cela dans le sens, avoir la conception de cela, ou parfois ne pas concevoir la sagesse et ne pas comprendre la sagesse. Et là, l'auteur nous dit La sagesse peut nous être connue, mais il se peut que nous ne puissions pas la connaître. Pourquoi Allah Azzawajal a voulu telle chose? Parfois, on en a la connaissance. On sait pourquoi Allah a créé telle chose, par exemple. Taïb, si on pose la question, pourquoi Allah a créé l'homme? On connaît la raison ou pas la sagesse? Parmi les sagesses, pourquoi Allah nous a créés? Pour son adoration. Donc là, on en a la connaissance. « Wa ma khalaqatu al-jinna wal-ins illa liya'budun » nous dit Allah, j'ai créé les hommes et les djinns que pour qu'ils m'adorent. Donc là, on en a la connaissance. On peut concevoir, parmi les grandes sagesses de la création de l'humanité, de l'homme, l'adoration du Créateur. Par contre, il y a des choses dont on n'a pas la connaissance de la sagesse. C'est pour ça que l'auteur nous dit « La sagesse peut nous être connue, mais il se peut que nous ne puissions pas la connaître. Cependant, nous savons, mais regardez ce qu'il dit, qu'on puisse la concevoir ou non, qu'on en ait la conception ou non, qu'on la connaît ou non. Et il dit par contre, cependant, nous savons avec certitude qu'Allah l'exalté ne peut vouloir une chose sans qu'elle soit en accord avec sa sagesse. Et liée à la sagesse immense. Allah ne peut vouloir une chose sans qu'elle soit, cette chose-là, en accord avec sa sagesse. Comme l'indique le verset. Et c'est le déduit du passage, du verset dans le Coran, lorsqu'Allah Azza wa Jal dit « وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا » Et vous ne pouvez vouloir sans qu'Allah le veuille. Et vous ne pouvez vouloir sans qu'Allah le veuille, Allah est certes omniscient et infiniment sage. Et comme cela termine l'auteur cette cinquième règle. Comme cela l'auteur termine cette cinquième règle. Donc maintenant qu'on a terminé l'étude de la cinquième règle, Inch'Allah, dans la prochaine assise, avec la permission de notre Créateur, on pourra commencer l'étude de la sixième règle. On pourra commencer l'étude de la sixième règle, Inch'Allah. والله أعلم وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وبارك الله فيكم. Donc alhamdoulillah, on a terminé aujourd'hui la cinquième règle, et comme ça on pourra commencer une nouvelle règle inshallah.